Chapitre 7e. Un soir, Andreas se prit de querelle au théâtre avec un jeune officier autrichien et il se battit avec lui le lendemain. L'arme choisie était le pistolet. D'après les conditions du combat, les deux adversaires devaient marcher l'un sur l'autre et faire feu à volonté. L'officier tira le premier. Andreas ne fut point atteint et continua de marcher sur lui. « Tirez donc !» lui crièrent les témoins. « Pas encore !» répondit-il. Et il marcha jusqu'à ce que, touchant son adversaire, il lui posa le canon de son pistolet sur la poitrine. L'officier attendait stoïquement, les bras croisés et le sourire aux lèvres. Un homme de cœur eût été touché d'une telle bravoure. Le lâche n'en eut point pitié. « En vérité, dit-il avec un cruel sourire, vous êtes à peine de mon âge, monsieur, et ce sera un grand chagrin pour votre mère d'apprendre votre mort. » Et il fit feu, tua l'officier, qui tomba sans pousser un cri. « Le misérable !» murmura Armand avec dégoût. « Oh ! Reprit Marthe, ce n'est point tout encore, mon ami. Écoutez, cet homme est un assassin et un voleur. » Marthe s'interrompit un instant, le front couvert du rouge de la honte. Avoir aimé un tel homme était pour elle le dernier des abaissements. « Andrea, continua-t-elle enfin, Andrea était joueur. » Joueur effréné. Notre maison était devenue un tripot infâme, où chaque nuit se ruinait quelque fils de famille de la noblesse milanaise. Andrea avait un bonheur inouï, et il gagnait depuis quelques mois des sommes folles. Quand ce revirement subit de la fortune, cette longue série de défaites que les joueurs appellent la déveine, arriva, implacable, inexorable comme le destin. Une nuit, il perdit une somme énorme, plusieurs centaines de mille francs. Tous ses invités étaient partis, à l'exception d'un seul, le baron Spoletti. Le baron était son partenaire depuis minuit. Il était près de 5 heures du matin. C'était lui qui gagnait tout ce qu'Andrea perdait. Il jouait au fond d'un pavillon qui s'élevait à l'extrémité du jardin et, placé dans un coin où me retenait mon pénible devoir de maîtresse de maison, j'assistais à cette scène poignante et honteusement terrible. Andrea était pâle et ses lèvres frémissaient. Tandis que la sueur perlait à son front à mesure que ses derniers billets de banque s'entassaient devant le baron. Le baron jouait froidement, un homme qui croit en sa veine. Il avait auprès de lui un portefeuille gonflé de billets de banque et représentant une somme énorme. Il tenait tout ce qu'Andrea voulait tenir. Andrea en arriva à son dernier billet de 1 000 francs et le perdit. « Baron, dit-il d'une voix étranglée, je n'ai plus d'argent ici. Mais mon père a 300 000 livres de rente. Je vous fais 100 000 écus sur parole. » Le baron parut réfléchir une minute et puis il dit négligemment « Je tiens vos 100 000 écus en 5 points d'écarté. » Andrea était pâle, son visage s'enflamma, ses yeux brillèrent d'espoir. « Allons, » dit-il en battant les cartes d'une main fiévreuse. C'était une horrible chose à voir que cette partie. Pour Andrea, perdre, c'était la ruine. Le comte, son père, était avare. Il ne paierait pas et laisserait à la rigueur déshonorer son fils. Pour le baron, perdre, c'était abandonner tout ce qu'il avait gagné. Mais il avait été hardi, parce qu'il croyait toujours à sa veine, et il demeura calme et froid, en apparence du moins. En 2 coups, Andrea eut marqué 4 points et respira bruyamment. Mais il perdit le coup suivant, puis l'autre encore, et le baron marqua pareillement 4 points. Andrea redevint livide. C'était au baron à donner. Il avait l'avantage de la retourne. Les deux partenaires se regardèrent un moment, non moins émus l'un que l'autre, et comme deux champions prêts à s'égorger. « Je remets la partie, » dit Andrea. Le baron hésita. « Non, » dit-il enfin. « À quoi bon ?» Et il donna et retourna une carte. « Le roi, » dit-il. « Vicomte, j'ai gagné. » « Vous me devez 100 000 écus. »« Je les double, » murmura celui-ci d'une voix étranglée. Mais le baron se leva froidement. « Mon cher, j'ai un principe dont je me suis fait l'esclave. Je ne tiens jamais 2 coups sur parole. D'ailleurs, voici le jour, et je meurs de sommeil. Adieu. » Andrea demeura un moment immobile sur son siège et comme foudroyé. Il vit d'un œil atone le baron empocher son or et ses billets, puis prendre courtoisement congé de moi, en s'excusant de m'avoir fait veiller aussi tard. Et puis, soit qu'il obéit machinalement à l'usage, soit qu'une pensée infernale eût traversé son cerveau comme un éclair, Andrea se leva pour reconduire le baron et lui faire traverser le jardin qui était planté de grands arbres. Les valets étaient couchés, nous étions seuls au pavillon et le jardin était désert. J'étais peut-être aussi atterré qu'Andrea de la perte énorme qu'il venait de faire, et muette de stupeur, je le vis sortir du pavillon et s'éloigner en donnant le bras au baron. 5 minutes après, j'entendis un cri, un seul, qui m'arriva comme un cri d'agonie. Puis le silence se fit complet et absolu. Puis encore, peu après, je vis reparaître Andrea, tête nue, l'œil hagard, les vêtements en désordre et son gilet blanc couvert de sang. Le misérable tenait un poignard d'une main, de l'autre le portefeuille du baron qu'il venait d'assassiner avec l'arme qu'il portait toujours sur lui depuis qu'il était en Italie. À mon tour, je poussai un cri d'horreur et de dégoût suprême. Et je m'enfuis éperdu, sans qu'il songe à me retenir, et je m'élançai à travers le jardin. En courant, je trébuchai contre le cadavre du baron, et ce contact me donna la force de poursuivre mon chemin. Comment suis-je sorti de la maison ? Comment, après une course insensée à travers la ville, déserte encore, suis-je tombée mourante sur les marches de cette église où vous m'avez trouvée agenouillée ? Hélas, je ne le sais pas. « Ah !» murmura Armand, le sculpteur. « Je comprends ton désespoir, pauvre ange adoré. Je comprends pourquoi tu voulais fuir cet homme sans cesse. »« Vous ne savez point tout encore ?» murmura Marthe. « Cet homme nous découvrit à Florence et me fit passer un billet assez conçu. Reviens sur le champ où ton nouvel amant est un homme mort. »« Vous comprenez pourquoi, n'est-ce pas, je vous ai fait quitter Florence maintenant, car cet homme vous eut assassiné. » Pourquoi il faut que nous quittions Rome, car il nous a découverts de nouveau. Et Marthe se jeta dans les bras du jeune artiste en l'enlaçant avec tendresse. Fuyons, dit-elle avec l'expression d'une terreur profonde et d'une ineffable tendresse. Fuyons, mon bien-aimé, fuyons l'assassin. Non, dit Armand avec vivacité, nous ne partirons point, mon enfant. Et si cet homme osait pénétrer ici, je le tuerais. Marthe frissonnait comme la feuille jaunie que les vents d'automne roulent sur la poussière. Armand tira sa montre. « Je cours jusqu'à mon atelier, » dit-il. « Je serai de retour dans 1 heure et passerai la nuit ici, couché sur le seuil de votre chambre. Je vais chercher des armes. Marthe, ma bien-aimée, malheur au traître Andrea s'il osait franchir la porte de ta maison. » Et le sculpteur sortit et se dirigea en courant vers le Tibre. En quittant la petite maison du Trastevere, l'artiste rencontra Fornarina. Fornarina était une vieille servante qu'il avait placée auprès de Marthe pour la soigner et veiller sur elle. « Je viens de voir ta maîtresse, » lui dit-il. « Elle t'attend. Ferme la porte à double tour et quoi qu'il puisse arriver, garde-toi d'ouvrir. »« Oui, votre seigneurie, » répondit la vieille en s'inclinant avec cette souplesse de rein particulière au peuple italien. Mais à peine Fornarina eut-elle atteint la maisonnette tapissée de vignes qu'elle fit entendre un petit coup de sifflet mystérieux et au lieu de refermer prudemment la porte d'entrée sur elle, elle la laissa secrètement entrebâillée. Il était nuit close alors, et la rue était déserte. Au coup de sifflet de la vieille, une ombre se dessina à l'extrémité opposée au Tibre, puis cette ombre approcha à pas discret jusqu'à la maison et poussa la porte entr'ouverte, appelant tout bas « Fornarina !»« Me voilà, votre seigneurie, » répondit l'Italienne. « Est-ce bien vous ? C'est moi. » Le maître est parti, mais il va revenir. « C'est bon, nous aurons le temps. La litière est tout près d'ici, » murmura l'ombre en aparté. Puis l'inconnu mit une bourse dans la main de Fornarina et lui dit « Prends et va-t'en. »« Dieu garde votre seigneurie, » grommela la vieille en pesant dans sa main crochue lors de sa trahison. Et tandis qu'elle s'enfuyait hors de la maison, l'inconnu gravit le petit escalier et frappa 3 coups à la porte du boudoir de Marthe. À ce bruit, Marthe tressaillit et sentit son sang se figer. Ce ne pouvait être encore Armand, car il y avait loin du Trastevere et à son atelier. Ce n'était pas non plus Fornarina. Fornarina entrait sans frapper. Et comme elle hésita à répondre, la porte s'ouvrit. Un homme apparut sur le seuil. Marthe poussa un cri et recula, comme si elle eût vu surgir un démon devant elle. « C'est moi, » dit l'homme en jetant son manteau et allant à elle. « Andrea !» balbutia-t-elle d'une voix éteinte. « Parbleu, oui, Andrea, cela t'étonna-t-il par hasard ?» Marthe reculait toujours et ne répondait pas. « Ma chère enfant, » dit froidement le vicomte Andrea, « vous m'avez quitté pour une niaiserie, vous avez eu des scrupules, fille, mais vous devez bien penser que je ne vous laisserai point fuir impunément. Monsieur, bon, avez-vous pu supposer que le vicomte Andrea était un homme à se laisser enlever sa maîtresse par une sorte de sculpteur, une manière d'artiste sans fortune et sans nom ?» Le vicomte accompagna ces mots d'un railleur sourire. Marthe s'était laissée tomber sur le divan, mourant d'émotion et d'effroi. Le vicomte Andrea Filippone était un jeune homme de 25 ans environ, d'une beauté singulière et presque étrange. De taille moyenne, d'apparence frêle, il avait des muscles d'acier et possédait une agilité et une vigueur peu communes. Blond comme une Anglaise ou une Suédoise, il avait les yeux noirs et son regard était à la fois ardent et moqueur. Ses traits, d'une régularité parfaite, eussent possédé un grand charme de séduction sans une expression de raillerie amère qui crispait sans cesse les coins de sa bouche et courait sur ses lèvres. La duchesse de L à Paris avait dit de lui « Il a la beauté d'un ange déchu ». Marthe contemplait cet homme avec l'épouvante de l'esclave évadé qui va retomber au pouvoir de son maître. Elle n'aimait plus Andrea, elle le méprisait, et cependant il exerçait encore sur elle un étrange pouvoir de fascination. « Allons, cher ange, » dit-il avec une hypocrite douceur, « vous savez bien que je vous aime toujours. » Il fit un pas vers elle et lui prit la main. Marthe jeta un cri. « Non, non, » dit-elle vivement, « sortez. »« J'y songe, » répondit tranquillement Andrea. « Mais vous m'accompagnerez, j'imagine. » Et un sourire infernal glissa sur les lèvres du comte. « Car enfin, » ajouta-t-il, « je suis venu vous chercher, moi. Tenez, au bout de la rue là-bas, une litière nous attend. De l'autre côté du Tibre, nous trouverons une chaise de poste qui nous conduira à Naples. J'ai loué un palais à Ischia, un palais pour vous, ma chère âme. Jamais, jamais, balbutia Marthe éperdue, je vous hais. C'est possible, mais moi je t'aime, répliqua Andrea, dont les narines se dilatèrent comme celles d'un tigre. Je ne t'aimais plus, je t'aime encore. Tu me hais et me méprises. C'est une raison pour que je t'enlève. Allons, la belle fille, jetez une mante sur vos épaules et suivez-moi, le temps nous presse. » Et Andrea jeta ses deux bras autour de la jeune femme et l'enlaça vigoureusement. « à moi, Armand, Fornarina !» appela Marthe avec désespoir et cherchant à échapper à la rude étreinte du jeune homme. Fornarina ne répondit point, mais un pas rapide se fit entendre dans la rue et avec cette finesse prodigieuse d'ouïe que possèdent les personnes dont le système nerveux est surexcité, Marthe reconnut le pas de l'artiste. Armand n'était point allé jusqu'à son atelier. En proie à un pressentiment bizarre, il était revenu sur ses pas et rencontrant un transtévérin qui fumait à califourchon sur le parapet d'un pont, il lui avait acheté pour une pistole le poignard fidèle dont tout Italien de la vieille souche est toujours muni. « Armand, Armand, au secours !» cria Marthe de cette voix aiguë qu'ont les femmes au moment du danger. « Armand ne t'aura pas !» murmura Andrea, et il la chargea sur son épaule comme la bête fauve faite de sa proie. Il l'emporta hors du boudoir et descendit l'escalier. Marthe se débattait et criait. Armand avait entendu. Au moment où le ravisseur atteignait la porte de la petite maison, le sculpteur en touchait le seuil. « Place !» cria Andrea. « Arrière, bandit !» répondit Armand, qui se mit en travers de la porte et tira son poignard. « Ah !» ricana le vicomte. « Il faut donc jouer du couteau. » Et il recula de quelques pas et laissa tomber Marthe sur un de ces sièges longs en joncanet qui garnissent les vestibules en Italie. Puis il tira un poignard de sa poche comme avait fait Armand, et les deux rivaux se mesurèrent un instant du regard en présence de Marthe, à demi-morte de frayeur. Le vestibule était éclairé par une petite lampe à globe d'albâtre suspendue au plafond et qui projetait autour d'elle assez de clarté pour que les deux jeunes hommes puissent s'examiner attentivement. Ils se regardèrent l'espace d'une minute, silencieux et immobiles tous deux, et de ce regard échangé jaillit une haine aussi violente qu'instantanée. Les yeux de ces deux hommes s'étaient croisés comme deux lames d'épée, et ils étaient ennemis irréconciliables, déjà avant de s'être porté le premier coup. « Êtes-vous donc Andrea ?» demanda le sculpteur. « Seriez-vous celui qu'on appelle Armand ?» interrogea le vicomte d'une voix railleuse. « Misérable !» s'écria l'artiste, qui enveloppa André d'un regard de flamme. « Sors d'ici, misérable, sors à l'instant !»« Rends-moi ma maîtresse, en ce cas, ricana le vicomte. « Je réclame mon bien, donne-le-moi et je sors. »« Infâme !» murmura Armand, qui s'avança vers Andrea, son poignard levé. Mais Andrea fit un bond de tigre en arrière et brandit son arme. « Il paraît que nous allons jouer cette pauvre Marthe au jeu de la vie. »« Ce sera le jeu de la mort pour toi, » répondit Armand. Et il se précipita furieux et menaçant sur le vicomte, qui reculait toujours, mais comme recule le tigre, pour bondir avec plus de force. En effet, il recula jusqu'au mur, et comme Armand le poursuivait toujours, son poignard à la main, Andrea s'élança sur lui à son tour et l'enlaça étroitement de son bras gauche, tandis qu'il lui portait un premier coup de la main droite. La pointe du stylet rencontra la coquille qui servait de garde à celui du sculpteur, et le coup se trouva paré. Alors les deux adversaires se saisirent à corps à corps, s'enlacèrent comme deux serpents, et se frappèrent avec furie. Marthe s'était évanouie et gisait immobile sur le sol, à quelques pas de cet horrible combat. L'Italie fut de tout temps la patrie des drames nocturnes et des coups de stylet. On ne s'y préoccupe ni d'un assassinat ni d'un enlèvement. Les habitants de la rue entendirent bien les cris de rage des deux combattants, mais ils jugèrent prudent de ne se point mêler de la querelle, et chaque transtévérin demeura tranquillement chez lui en se disant « Il paraît que la belle Française avait deux amoureux. Les deux amoureux se battent, laissons-les faire. Ceux-ci ne regardent personne. » Jamais lutte ne fut plus acharnée et plus atroce que celle de ces deux hommes se battant au poignard et confondant leur sang qui coulait déjà par d'horribles blessures. Pendant quelques minutes, ils trépignèrent enlacés sur les dalles du vestibule et se traînèrent l'un l'autre comme deux reptiles en roulant leurs anneaux hideux. Puis ils s'arrêtèrent, épuisés, chancelèrent et roulèrent ensemble sur le sol. Mais l'un d'eux se releva, parvint à se dégager de l'étreinte de son adversaire et le frappa d'un dernier coup qui l'atteignit dans la gorge. Le vaincu poussa un cri sourd et vomit un flot de sang. Le vainqueur laissa échapper une exclamation de triomphe et courut à Marthe, évanouie, qu'il prit dans ses bras en disant « Elle est à moi !» Et bien qu'il perdît son sang par plusieurs blessures, il eut assez de force pour l'emporter hors de la maison. Le vainqueur, c'était le vicomte Andrea. Le vaincu, Armand, le sculpteur, qui se tordait dans les convulsions de l'agonie, tandis que son ennemi lui arrachait la femme qu'il aimait, comme jamais homme, peut-être, n'avait aimé avant lui.